La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 2e, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset, livre 10e, Le culte de l'atrie. Chapitre 20. Du véritable et suprême sacrifice effectué par le Christ lui-même, médiateur entre Dieu et les hommes. De là vient que ce vrai médiateur entre Dieu et les hommes, médiateur en tant qu'il a pris la forme d'esclave, Jésus-Christ homme, bien qu'il reçoive le sacrifice, à titre de Dieu consubstantiel au Père, a mieux aimé être lui-même le sacrifice, à titre d'esclave, que de le recevoir, et cela, pour ne donner occasion à personne de croire qu'il soit permis de sacrifier à une créature, quelle qu'elle soit. Il est donc à la fois le prêtre et la victime, et voilà le sens du sacrifice que l'Église lui offre chaque jour, car l'Église, comme corps dont il est le chef, s'offre elle-même par lui. Les anciens sacrifices des saints n'étaient aussi que des signes divers et multipliés de ce sacrifice véritable, de même que plusieurs mots servent quelquefois à exprimer une seule chose en l'inculquant plus fortement et sans ennui. Devant ce suprême et vrai sacrifice, tous les faux sacrifices ont disparu. Chapitre 21. Du degré de puissance accordé aux démons pour procurer, par des épreuves patiemment subies, la gloire des saints, lesquels n'ont pas vaincu les démons en leur faisant des sacrifices, mais en restant fidèles à Dieu. Toutefois les démons ont reçu le pouvoir, en des temps réglés et limités par la Providence, d'exercer leur fureur contre la Cité de Dieu à l'aide de ceux qu'ils ont séduits, et non seulement de recevoir les sacrifices qu'on leur offre mais aussi d'en exiger par de violentes persécutions. Or, tant s'en faut que cette tyrannie soit préjudiciable à l'Église, qu'elle lui procure, au contraire, de grands avantages. Elle sert, en effet, à compléter le nombre des saints, qui tiennent un rang d'autant plus honorable dans la Cité de Dieu qu'ils combattent plus généreusement et jusqu'à la mort contre les puissances de l'impiété. Si le langage de l'Église le permettait, nous les appellerions à bon droit nos héros. On fait venir ce nom de celui de Junon, qui, en grec, est appelé « Héra », d'où vient que, suivant les fables de la Grèce, je ne sais plus lequel de ses fils porte le nom d'héros. Le sens mystique de ces noms est, dit-on, que Junon représente l'air, dans lequel on place, en compagnie des démons, les héros, c'est-à-dire les âmes des morts illustres. C'est dans un sens tout contraire qu'on pourrait, je le répète, si le langage ecclésiastique le permettait, appeler nos martyrs des héros. Non certes qu'ils aient aucun commerce dans l'air avec les démons, mais parce qu'ils ont vaincu les démons, c'est-à-dire les puissances de l'air et Junon elle-même, quelle qu'elle soit, cette Junon que les poètes nous représentent, non sans raison, comme ennemie de la vertu et jalouse de la gloire des grands hommes qui aspirent au ciel. Virgile met ceci au-dessus d'elle quand il lui fait dire, « Aîné est mon vainqueur », Énéide, livre 7, vers 310, mais il lui cède ensuite et faiblit misérablement quand il introduit Hélénus donnant à Aîné ce prétendu conseil de piété. Rends hommage de bon cœur à Junon et triomphe par tes offrandes suppliantes du courroux de cette redoutable divinité. Énéide, livre 3, vers 438. Porphyre est du même avis, tout en ne parlant, il est vrai, que nom d'autrui, quand il dit que le bon génie n'assiste point celui qu'il invoque, à moins que le mauvais génie n'ait été préalablement apaisé. D'où il suivrait que les mauvaises divinités sont plus puissantes que les bonnes, car les mauvaises peuvent mettre obstacle à l'action des bonnes, et celles-ci ne peuvent rien sans la permission de celles-là, tandis qu'au contraire les mauvaises divinités peuvent nuire, sans que les autres soient capables de les en empêcher. Il en est tout autrement dans la véritable religion, et ce n'est pas ainsi que nos martyrs triomphent de Junon, c'est-à-dire des puissances de l'air envieuses de la vertu des saints. Nos héros, si l'usage permettait de les appeler ainsi, n'emploient pour vaincre Hera que des vertus divines et non des offrandes suppliantes. Et certes, Scipion a mieux mérité le surnom d'Africain en domptant l'Afrique par sa valeur que s'il eût apaisé ses ennemis par des présents et des supplications. Chapitre 22. Où est la source du pouvoir des saints contre les démons et de la vraie purification du cœur? Les hommes véritablement pieux chassent ces puissances aériennes par des exorcismes, loin de rien faire pour les apaiser, et ils surmontent toutes les tentations de l'ennemi, non en les priant, mais en priant Dieu contre lui. Aussi, les démons ne triomphent-ils que des âmes entrées dans leur commerce par le péché. On triomphe d'eux, au contraire, au nom de celui qui s'est fait homme, et homme sans péché, pour opérer en lui-même, comme pontife et comme victime, la rémission des péchés, c'est-à-dire au nom du médiateur Jésus-Christ homme, par qui les hommes, purifiés du péché, sont réconciliés avec Dieu. Le péché seul, en effet, sépare les hommes d'avec Dieu, et s'ils peuvent en être purifiés en cette vie, ce n'est point par la vertu, mais bien par la miséricorde divine, ce n'est point par leur puissance propre, mais par l'indulgence de Dieu, puisque la faible et misérable vertu qu'on appelle la vertu humaine n'est elle-même qu'un don de sa bonté. Nous serions trop disposés à nous enorgueillir dans notre condition charnelle, si, avant de la dépouiller, nous ne vivions pas sous le pardon. C'est pourquoi la vertu du médiateur nous a fait cette grâce que, souillés par la chair du péché, nous trouvons notre purification dans un Dieu fait chair, grâce merveilleuse, où éclate la miséricorde de Dieu, et qui, après nous avoir conduits durant cette vie dans le chemin de la foi, nous prépare, après la mort, par la contemplation de la vérité immuable, la plénitude de la perfection. Chapitre 23. Des principes de la purification de l'âme selon les platoniciens. Des oracles divins, dit Porphyre, ont répondu que les sacrifices les plus parfaits à la lune et au soleil sont incapables de purifier, et il a voulu montrer par là qu'il en est de même des sacrifices offerts à tous les autres dieux. Quel sacrifice, en effet, aurait une vertu purifiante, si ceux de la lune et du soleil, divinités du premier ordre, ne l'ont pas? Porphyre, d'ailleurs, ajoute que le même oracle a déclaré que les principes peuvent purifier, par où l'on voit c'est que ce philosophe a craint que sur la première réponse, qui refuse au sacrifice parfait du soleil et de la lune la vertu purifiante, on ne s'avisât de l'attribuer au sacrifice de quelqu'un des petits dieux. Mais qu'entend Porphyre par ces principes? Dans la bouche d'un philosophe platonicien, nous savons ce que cela signifie, il veut désigner Dieu le Père d'abord, puis Dieu le Fils, qu'il appelle la pensée ou l'intelligence du Père. Quant au Saint-Esprit, il n'en dit rien, ou ce qu'il en dit n'est pas clair, car je n'entends pas quel est cet autre principe qui tient le milieu, suivant lui, entre les deux autres. Est-il du sentiment de Plotin, qui, traitant des trois hypostases principales donne à l'âme le troisième rang, mais alors il ne dirait pas que la troisième hypostase tient le milieu entre les deux autres, c'est-à-dire entre le Père et le Fils. En effet, Plotin place l'âme au-dessous de la seconde hypostase, qui est la pensée du Père, tandis que Porphyre, en faisant de l'âme une substance mitoyenne, ne la place pas au-dessous des deux autres, mais entre les deux. Porphyre, sans doute, à parler comme il a pu, ou comme il a voulu, car nous disons, nous, que le Saint-Esprit n'est pas seulement l'Esprit du Père, ou l'Esprit du Fils, mais l'Esprit du Père et du Fils. Aussi bien, les philosophes sont libres dans leurs expressions, et, en parlant des plus hautes matières, ils ne craignent pas d'offenser les oreilles pieuses. Mais nous, nous sommes obligés de soumettre nos paroles à une règle précise, de craindre que la licence dans les mots n'engendre l'impiété dans les choses. Note. Les platoniciens de l'école d'Alexandrie et de l'école d'Athènes se sont accordés, depuis Plotin jusqu'à Proclus, à reconnaître en Dieu trois principes ou hypostases. Premièrement, l'un ou le bien, qui est le Père. Secondement, l'intelligence, le Verbe, Logos, nous, qui est le Fils. Troisièmement, l'âme, psyché, qui est le principe universel de la vie. Quant à la nature et à l'ordre de ces hypostases, les Alexandrins cessent d'être d'accord. Consultez, sur les différences très subtiles de la Trinité de Plotin et de celle de Porphyre, les deux historiens de l'école d'Alexandrie, M. Jules Simon, tome 2, page 110 et suivante, et M. Vachereau, tome 2, page 37. Chapitre 24. Du principe unique et véritable qui seul purifie et renouvelle la nature humaine. Lors donc que nous parlons de Dieu, nous n'affirmons point deux ou trois principes, pas plus que nous n'avons le droit d'affirmer deux ou trois dieux. Et toutefois, en affirmant tour à tour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous disons de chacun qu'il est Dieu. Car nous ne tombons pas dans l'hérésie des Sabelliens, qui soutiennent que le Père est identique au Fils, et que le Saint-Esprit est identique au Fils et au Père. Nous disons, nous, que le Père est le Père du Fils, que le Fils est le Fils du Père, et que le Saint-Esprit est l'Esprit du Père et du Fils, sans être ni le Père, ni le Fils. Il est donc vrai de dire que le principe seul purifie l'homme, et non les principes, comme l'ont soutenu les platoniciens. Mais Porphyre, soumis à ces puissances envieuses dont il rougissait sans oser les combattre, ouvertement, n'a pas voulu reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ est le principe qui nous purifie par son incarnation. Il l'a sans doute méprisé dans la chair qu'il a revêtue pour accomplir le sacrifice destiné à nous purifier. Grand mystère que n'a point compris Porphyre, par un effet de cet orgueil que le bon, le vrai médiateur a vaincu par son humilité, prenant la nature mortelle pour se montrer à des êtres mortels, tandis que les faux et méchants médiateurs, fiers de n'être pas sujets à la mort, se sont exaltés dans leur orgueil, et par le prestige de leur immortalité ont fait espérer à des êtres mortels un secours trompeur. Ce bon et véritable médiateur a donc montré que le mal consiste dans le péché, et non dans la substance ou la nature de la chair, puisqu'il a pris la chair avec l'âme de l'homme sans prendre le péché, puisqu'il a vécu dans cette chair, et qu'après l'avoir quittée par la mort, il l'a reprise transfigurée dans sa résurrection. Il a montré aussi que la mort même, peine du péché, qu'il a subi pour nous sans avoir péché, ne doit pas être évité par le péché, mais plutôt supporté à l'occasion pour la justice, car s'il a eu la puissance de racheter nos péchés par sa mort, c'est qu'il est mort lui-même et n'est pas mort par son péché. Mais Porphyre n'a point connu le Christ comme principe, car autrement il l'eût connu comme purificateur. Le principe, en effet, dans le Christ, ce n'est pas la chair ou l'âme humaine, mais bien le Verbe par qui tout a été fait. D'où il suit que la chair du Christ ne purifie point par elle-même, mais par le Verbe qui a pris cette chair, quand le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Jean 1, 14. C'est pourquoi, quand Jésus parlait dans un sens mystique de la manducation de sa chair, plusieurs qui l'écoutaient sans le comprendre s'étant retirés en s'écriant « Ces paroles sont dures, est-il possible de les écouter ?» Il dit à ceux qui restèrent auprès de lui « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Jean 6, 61-64. Il faut conclure que c'est le principe qui, en prenant une chair et une âme, purifie l'âme et la chair des fidèles, et voilà le sens de la réponse de Jésus aux Juifs qui lui demandaient qui il était, « Je suis le principe. » Jean 8, 25. Nous-mêmes, faibles que nous sommes, charnels et pécheurs, nous ne pourrions, enveloppés dans les ténèbres de l'ignorance, comprendre cette parole. Si le Christ ne nous avait doublement purifiés par ce que nous étions et par ce que nous n'étions pas, car nous étions hommes, et nous n'étions pas justes, et dans l'incarnation il y a l'homme, mais juste et sans péché. Voilà le médiateur qui nous a tendu la main pour nous relever, quand nous étions tombés et gisant par terre. Voilà la semence organisée par le ministère des anges, Galates 3:19, promulgateur de la loi qui contenait tout ensemble le commandement d'obéir à un seul Dieu et la promesse du médiateur à venir. Chapitre 25. Tous les saints qui ont vécu sous la loi écrite dans les temps antérieurs ont été justifiés par la foi en Jésus-Christ. C'est par leur foi en ce mystère, accompagné de la bonne vie, que les justes des anciens jours ont pu être purifiés, soit avant la loi de Moïse, car en ce temps Dieu et les anges leur servaient de guide, soit même sous cette loi, bien qu'elle ne renfermât que des promesses temporelles, simples figures de promesses plus hautes, ce qui a fait donner à la loi de Moïse le nom d'Ancien Testament. Il y avait alors, en effet, des prophètes dont la voix, comme celle des anges, publiait la céleste promesse, et de ce nombre était celui dont j'ai cité plus haut cette divine sentence touchant le souverain bien de l'homme, être uni à Dieu, voilà mon bien. Psaume 72, 28. Le psaume d'Ouel est tiré distingue assez clairement les deux testaments, l'ancien et le nouveau, car le prophète dit que la vue de ces impies qui nagent dans l'abondance des biens temporels a fait chanceler ses pas, comme si le culte fidèle qu'il avait rendu à Dieu eût été chose vaine, en présence de la félicité des contempteurs de la loi. Il ajoute qu'il s'est longtemps consumé à comprendre ce mystère, jusqu'au jour où, entré dans le sanctuaire de Dieu, il a vu la fin de cette trompeuse félicité. Il a compris alors que ces hommes, par cela même qu'ils se sont élevés, ont été abaissés, qu'ils ont péri à cause de leurs iniquités, et que ce comble de félicité temporelle a été comme le songe d'un homme qui s'éveille et tout à coup se trouve privé des joies dont le berçait un songe trompeur. Et comme dans cette cité de la terre, ils étaient pleins du sentiment de leur grandeur, le psalmiste parle ainsi. Seigneur, vous anéantirez leur image dans votre cité. Psaume 72, 20. Il montre toutefois combien il lui a été avantageux de n'attendre les biens même de la terre que du seul vrai Dieu, quand il dit, « Je suis devenu semblable, devant vous, à une bête brute, et je demeure toujours avec vous. » Psaume 72, 22. Par ces mots, semblable à une bête brute, le prophète s'accuse de n'avoir pas eu l'intelligence de la parole divine, comme s'il disait « Je ne devais vous demander que les choses qui ne pouvaient m'être communes avec les impies, et non celles dont je les ai vues jouir avec abondance, alors que le spectacle de leur félicité était un scandale à mes faibles yeux. » Toutefois le prophète ajoute qu'il n'a pas cessé d'être avec le Seigneur, parce qu'en désirant les biens temporels il ne les a pas demandés à d'autres que lui. Il poursuit en ces termes, « Vous m'avez soutenu par la main droite, me conduisant selon votre volonté, et me faisant marcher dans la gloire. » Psaume 72, 23, marquant par ces mots, « la main droite, que tous les biens possédés par les impies, et dont la vue l'avait ébranlée, sont choses de la gauche de Dieu. » Puis il s'écrie, « Qu'y a-t-il au ciel et sur la terre que je désire ? Si ce n'est vous, psaume 72, 24, il se condamne lui-même, il se reproche, ayant au ciel un si grand bien, mais dont il n'a eu l'intelligence que plus tard, d'avoir demandé à Dieu des biens passagers, fragiles, et pour ainsi dire une félicité debout. Mon cœur et ma chair, dit-il, sont tombés en défaillance, ô Dieu de mon cœur. Psaume 72, 25. Heureuse défaillance, qui fait quitter les choses de la terre pour celles du ciel, ce qui lui fait dire ailleurs, mon âme, enflammée de désir, tombe en défaillance dans la maison du Seigneur. Psaume 83, 3. Et dans un autre endroit, mon âme est tombée en défaillance dans l'attente de votre salut. Psaume 118, 81. Néanmoins, après avoir dit plus haut, mon cœur et ma chair sont tombés en défaillance, il n'a pas ajouté, Dieu de mon cœur et de ma chair, mais seulement, Dieu de mon cœur, parce que c'est le cœur qui purifie la chair. C'est pourquoi notre Seigneur a dit, purifiez d'abord le dedans, et le dehors sera pur. Matthieu 23, 26. Le prophète continue et déclare que Dieu même est son partage, et non les biens qu'il a créés. Dieu de mon cœur, dit-il, Dieu de mon partage pour toujours. Psaume 72, 25. Voulant dire par là que, parmi tant d'objets où s'attachent les préférences des hommes, il trouve Dieu seul digne de la sienne. Car, poursuit-il, voilà que ceux qui s'éloignent de vous périssent, et vous avez condamné à jamais toute âme adultère. Psaume 72, 26. Entendez toute âme qui se prostitue à plusieurs dieux. Ici, en effet, se place ce mot qui nous a conduit à citer tout le reste. Être uni à Dieu, voilà mon bien. C'est-à-dire, mon bien est de ne point m'éloigner de Dieu, de ne point me prostituer à plusieurs divinités. Or, en quel temps s'accomplira cette union parfaite avec Dieu? Alors seulement que tout ce qui doit être affranchi en nous sera affranchi. Jusqu'à ce moment, qu'y a-t-il à faire, ce qu'ajoute le psalmiste? Mettre son espérance en Dieu. Psaume 72, 27. Or, comme l'apôtre nous l'enseigne, lorsqu'on voit ce qu'on a espéré, ce n'est plus espérance, car, qui espère ce qu'il voit déjà? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons d'un cœur patient. Romains 8, 24 et 25. Soyons donc fermes dans cette espérance, suivons le conseil du psalmiste et devenons, nous aussi, selon notre faible pouvoir, les anges de Dieu, c'est-à-dire ses messagers, annonçant sa volonté et glorifiant sa gloire et sa grâce, afin de chanter vos louanges, ô mon Dieu, devant les portes de la fille de Sion. Psaume 62, 28. Sion, c'est la glorieuse cité de Dieu, celle qui ne connaît et n'adore qu'un seul Dieu, celle qu'ont annoncé les saints anges qui nous invitent à devenir leurs concitoyens. Ils ne veulent pas que nous les adorions comme nos dieux, mais que nous adorions avec eux leur Dieu et le nôtre. Ils ne veulent pas que nous leur offrions des sacrifices, mais que nous soyons comme eux un sacrifice agréable à Dieu. Ainsi donc, quiconque y réfléchira sans coupable obstination, ne doutera pas que tous ces esprits immortels et bienheureux, qui, loin de nous porter envie, car ils ne seraient pas heureux, s'ils étaient envieux, nous aiment au contraire et veulent que nous partagions leur bonheur, ne nous soient plus favorables, si nous adorons avec eux un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, que si nous leur offrions à eux-mêmes notre adoration et nos sacrifices. Chapitre 26. Des contradictions de Porphyre flottant incertain entre la confession du vrai Dieu et le culte des démons. J'ignore comment cela se fait, mais il me semble que Porphyre rougit pour ses amis les théurges. Car enfin tout ce que je viens dire, il le savait, mais il n'était pas libre de le maintenir résolument contre le culte de plusieurs dieux. Il dit, en effet, qu'il y a des anges qui descendent ici-bas pour initier les théurges à la science divine, et que d'autres y viennent annoncer la volonté du Père et révéler ses profondeurs. Je demande s'il est croyable que ces anges, dont la fonction est d'annoncer la volonté du Père, veuillent nous forcer à reconnaître un autre Dieu que celui dont ils annoncent la volonté. Aussi Porphyre lui-même nous conseille-t-il excellemment de les imiter plutôt que de les invoquer. Nous ne devons donc pas craindre d'offenser ces esprits bienheureux et immortels, entièrement soumis à un seul Dieu, en ne leur sacrifiant pas, car ils savent que le sacrifice n'est dû qu'au seul vrai Dieu dont la possession fait leur bonheur. Et dès lors ils n'ont garde de le demander pour eux, ni en figure, ni en réalité. Cette usurpation insolente n'appartient qu'aux démons superbes et malheureux, et rien n'en est plus éloigné que la piété des bons anges unis à Dieu sans partage et heureux par cette union. Loin de s'arroger le droit de nous dominer, ils nous aident dans leur bienveillance sincère à posséder le vrai bien et à partager en paix leur propre félicité. Pourquoi donc craindre encore, aux philosophes, d'élever une voix libre contre des puissances ennemies des vertus véritables et des dons du véritable Dieu? Déjà tu as su distinguer les anges qui annoncent la volonté de Dieu d'avec ceux qu'appelle je ne sais par quel art l'évocation du théurge. Pourquoi élever ainsi ces esprits impurs à l'insigne honneur de révéler des choses divines? Et comment seraient-ils les interprètes des choses divines, ceux qui n'annoncent pas la volonté du Père? Ne sont-ce pas ces mêmes esprits qu'un envieux magicien a enchaînés par ses conjurations pour les empêcher de purifier une âme, sans qu'il fût possible, c'est toi qui le dis, à un théurge vertueux de rompre ses chaînes et de replacer cette âme sous sa puissance? Quoi, tu doutes encore que ce ne soit de mauvais démons? Mais non, tu feins sans doute de l'ignorer. Tu ne veux pas déplaire aux théurges vers lesquels t'a enchaîné une curiosité décevante et qui t'ont transmis comme un don précieux cette science pernicieuse et insensée. Oses-tu bien élever au-dessus de l'air et jusqu'aux régions sidérales ces puissances ou plutôt ces pestes moins dignes du nom de souveraine que de celui d'esclave, et ne vois-tu pas qu'en faire les divinités du ciel, c'est infliger au ciel un opprobre? Chapitre 27. Porphyre s'engage dans l'erreur plus avant qu'Apulée et tombe dans l'impiété. Combien l'erreur d'Apulée, platonicien comme toi, est moins choquante et plus supportable. Il n'attribue les agitations de l'âme humaine et la maladie des passions qu'aux démons qui habitent au-dessous du globe de la lune, et encore hésite-t-il dans cet aveu qu'il fait touchant des êtres qu'il honore? Quant aux dieux supérieurs, à ceux qui habitent l'espace éthéré, soit visible, comme le soleil, la lune et les autres astres que nous contemplons au ciel, soit invisible, comme Apulée en suppose, il s'efforce de les purifier de la souillure des passions. Ce n'est donc pas à l'école de Platon, mais à celle de tes maîtres chaldéens que tu as appris à élever les vices des hommes jusque dans les régions de l'Empyrée sur les hauteurs sublimes du firmament, afin que les théurgiens aient un moyen d'obtenir des dieux la révélation des choses divines. Et cependant, ces choses divines, tu te mets au-dessus d'elles par ta vie intellectuelle, ne jugeant pas qu'en ta qualité de philosophe les purifications théurgiques te soient nécessaires. Elles le sont aux autres, dis-tu, et afin sans doute de récompenser tes maîtres, tu renvoies aux théurges tous ceux qui ne sont pas philosophes, non pas, il est vrai, pour être purifiés dans la partie intellectuelle de l'âme, car la théurgie, tu l'avoues, ne porte pas jusque-là, mais pour l'être au moins dans la partie spirituelle. Or, comme le nombre des âmes peu capables de philosophie est sans comparaison le plus grand, tes écoles secrètes et illicites seront plus fréquentées que celles de Platon. Ils t'ont sans doute promis, ces démons impurs, qui veulent passer pour des dieux célestes et dont tu t'es fait le messager et le héros, ils t'ont promis que les âmes purifiées par la théurgie, sans retourner au Père, à la vérité, habiterait au-dessus de l'air parmi les dieux célestes. Mais tu ne feras pas accepter ces extravagances à ce nombre immense de fidèles que le Christ est venu délivrer de la domination des démons. C'est en lui qu'il trouve la vraie purification infiniment miséricordieuse, celle qui embrasse l'âme, l'esprit et le corps, car, pour guérir tout l'homme de la peste du péché, le Christ a revêtu sans péché l'homme tout entier. Plus à Dieu que tu l'eusses connu, ce Christ, lui donnant ton âme à guérir plutôt que de te confier en ta vertu, infirme et fragile comme toute chose humaine et en ta pernicieuse curiosité. Celui-là ne t'aurait pas trompé, puisque vos oracles, par toi-même cités, le déclarent saint et immortel. C'est de lui, en effet, que parle le plus illustre des poètes, dans ces vers qui n'ont qu'une vérité prophétique, étant tracés pour un autre personnage, mais qui s'appliquent très bien au Sauveur. Par toi, s'il reste quelque trace de notre crime, elle s'évanouira, laissant le monde affranchi de sa perpétuelle crainte. Virgile, Églogue, 4, 13, 14. Par où le poète veut dire qu'à cause de l'infirmité humaine, les plus grands progrès dans la justice laissent subsister, sinon les crimes, au moins de certaines traces que le Sauveur seul peut effacer. Car c'est au Sauveur seul que se rapportent ces vers, et Virgile nous fait assez entendre qu'il ne parle pas en son propre nom par ces mots du début de la même églogue. Voici qu'est arrivé le dernier âge prédit par la Sibylle de Cume. C'est dire ouvertement qu'il va parler d'après la Sibylle. Mais les théurges, ou plutôt les démons, qui prennent la figure des dieux, souillent bien plutôt l'âme par leurs vains fantômes qu'ils ne la purifient. Et, comment la purifieraient-ils, puisqu'ils sont l'impureté même? Sans cela, il ne serait pas possible à un magicien envieux de les enchaîner par ses incantations et de les contraindre, soit par crainte, soit par envie, à refuser à une âme souillée le bienfait imaginaire de la purification. Mais il me suffit de ce double aveu que les opérations théurgiques ne peuvent rien sur l'âme intellectuelle, c'est-à-dire sur notre entendement, et que, si elles purifient la partie spirituelle et inférieure de l'âme, elles sont incapables de lui donner l'immortalité et l'éternité. Le Christ, au contraire, promet la vie éternelle, et c'est pourquoi le monde entier court à lui, en dépit de vos colères et en dépit aussi de vos étonnements et de vos stupeurs. À quoi te sert, Porphyre, d'avoir été forcé de convenir que la théurgie est une source d'illusion où le plus grand nombre puise une science aveugle et folle, et que l'erreur la plus certaine, c'est de recourir par des sacrifices aux anges et aux puissances? Cet aveu à peine fait, comme si tu craignais d'avoir perdu ton temps avec les théurges, tu leur renvoies la masse du genre humain, pour qu'ils aient à purifier dans leur âme spirituelle ceux qui ne savent pas vivre selon leur âme intellectuelle. Chapitre 28. Quels conseils ont aveuglé Porphyre et l'ont empêché de connaître la vraie sagesse, qui est Jésus-Christ? Ainsi tu jettes les hommes dans une erreur manifeste, et un si grand mal ne te fait pas rougir, et tu fais profession d'aimer la vertu et la sagesse. Si tu les avais véritablement aimés, tu aurais connu le Christ, qui est la vertu et la sagesse de Dieu, et l'orgueil d'une science vaine ne t'aurait pas poussé à te révolter contre son humilité salutaire. Tu avoues cependant que l'âme spirituelle elle-même peut être purifiée par la seule vertu de la continence, sans le secours de ces artéurgiques et de cet élite où tu as consommé vainement tes études. Tu vas jusqu'à dire quelquefois que les télètes ne sauraient élever l'âme après la mort, de sorte qu'à ce compte la théurgie ne servirait de rien au-delà de cette vie, même pour la partie spirituelle de l'âme. Et cet aveu ne t'empêche pas de revenir en mille façons sur ces pratiques mystérieuses, sans que je puisse te supposer un autre but que de paraître habile en théurgie, de plaire aux esprits déjà séduits par ces arts illicites, et d'en inspirer aux autres la curiosité. Je te sais gré du moins d'avoir déclaré que la théurgie est un art redoutable, soit à cause des lois qui l'interdisent, soit par la nature même de ses pratiques. Et plus à Dieu que cet avertissement fut entendu de ces malheureux partisans et les fit tomber ou s'arrêter devant l'abîme. Tu dis à la vérité qu'il n'y a point de télète qui guérisse de l'ignorance et de tous les vices qu'elle amène avec soi, et que cette guérison ne peut s'accomplir que par le patricon nun, c'est-à-dire par l'intelligence du Père, laquelle a conscience de sa volonté, mais tu ne veux pas croire que le Christ soit cette intelligence du Père, et tu le méprises à cause du corps qu'il a pris d'une femme et de l'opprobre de la croix. Car ta haute sagesse, dédaignant et rejetant les choses viles, n'aime à s'attacher qu'aux objets les plus relevés. Mais lui, il est venu pour accomplir ce qu'avaient dit de lui les véridiques prophètes. Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai la prudence des prudents. Abdias 1, 8, Isaïe 29, 14. Il ne détruit pas en effet, il n'anéantit pas la sagesse qu'il a donnée aux hommes, mais celle qu'il s'arroge et qui ne vient pas de lui. Aussi l'apôtre, après avoir rapporté ce témoignage des prophètes, ajoute « Où sont les sages? Où sont les docteurs de la loi? Où sont les esprits curieux des choses du siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde, car le monde avec sa sagesse n'ayant point reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les gentils cherchent la sagesse, et nous, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les gentils, mais qui pour tous les appelés, Juifs ou gentils, est la vertu et la sagesse de Dieu, car ce qui paraît folie en Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui paraît faible en Dieu est plus puissant que les hommes. 1 Corinthiens 1, 20 à 25. C'est cette folie et cette faiblesse apparente que méprisent ceux qui se croient forts et sages par leur propre vertu, mais c'est aussi cette grâce qui guérit les faibles et tous ceux qui, au lieu de s'enivrer d'orgueil dans leur fausse béatitude, confessent leur trop réelle misère d'un cœur plein d'humilité. Markemdanarchive.org 2019, d'après abbaye saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.